إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue le cours, يعني, concernant l'histoire à l'époque des Omeyyades et خاصةً à l'époque de Ali رضي الله عنه. On revient à l'époque de Ali رضي الله تعالى عنه. Hier, on avait parlé de Muawiyah, on avait parlé de les Omeyyades, comment les conquêtes musulmanes y sont allées jusqu'en France, à Poitiers ou à Tours. On a parlé un peu du khilaf qu'il y a eu, la divergence entre Ali et Muawiyah. Entre la divergence qu'il y a eu avec le calife Ali et Muawiyah. Et pour rappeler, la divergence qu'il y avait entre eux, c'était Uthman, il a été assassiné injustement. Muawiyah, il voulait les auteurs qu'ils ont commis cela. Et il était, Muawiyah, en Syrie. C'était le gouverneur de, à cette époque-là, au Sham, en Syrie. Et Ali est devenu calife. Et Ali lui a dit que si tu veux qu'on juge les coupables, on attend un peu, on unit nos forces, les musulmans, et après, on s'occupe de ces gens-là. Tandis que Muawiyah, qui était le cousin de Uthman, il n'a pas accepté, il a dit non, d'abord, on s'occupe de ces gens-là, après je te fais le bay'a. Après je te fais le bay'a. Donc Ali, radiallahu ta'ala anhu, on continue sur cela, il prépare une armée qui se dirige vers le Sham, pour attaquer Muawiyah. Pourquoi? Parce que Muawiyah, il a refusé de faire la bay'a, c'est-à-dire le pacte d'allégeance, de soumission au calife de Ali. Au califat de Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Donc Ali, il était obligé. Soit il se soumet, et il fait le pacte d'allégeance, soit on l'enlève, avec la force. Donc, la divergence, elle a commencé là. Ali, il se prend une armée, il se dirige vers le Sham, pour attaquer Muawiyah, car il a refusé de faire le pacte d'allégeance à Ali, qui est devenu calife. Parce que quand il y a un calife, mes frères, les gens qui connaissent pas les droits et tout ça, de tout cela, comme il devient, Michel, un exemple, hein, quelqu'un il devient président, pour mieux comprendre les choses, hein, c'est pas le même cas, mais à peu près. C'est-à-dire, tout le monde doit se soumettre, toutes les mairies doivent se soumettre à qui? À ce président-là, à lui faire un pacte d'allégeance. En islam, c'était comme ça. Il y a un calife qui est désigné par l'élite de l'islam. Tout le monde doit lui faire pacte d'allégeance. Si on ne lui fait pas pacte d'allégeance et qu'on se met en retrait et tout ça, ça veut dire que c'est un risque que la personne il va sortir contre le pouvoir et ça va être un grand trouble. Donc Ali, il a fait préserver cette chose-là en allant direct l'attaquer à Muawiyah car il voulait pas faire la bay'a. Et comme on avait dit, Ali n'avait pas les moyens d'appliquer le talion, de venger les morts de Uthman. Il pensait laisser les choses se calmer, après il va voir plus tard pour juger les meurtriers de Uthman. Et comme on avait dit d'ailleurs, Ali, il a refusé de devenir calife. Il a été touché par la mort de Uthman, radiallahu ta'ala, il a été touché. Vous trouvez ça dans Fath al-Bari, Fath al-Bari, yani, dans le tome 13, page 69. Et beaucoup de compagnons, mes frères, n'ont pas voulu faire allégeance à Ali après la mort de Uthman, quand il est devenu calife, car ils ne comprenaient pas c'est qui dirigeait les affaires. Ou que c'était un outil entre les mains des Khawarij. Parce que les Khawarij étaient là-bas où il y avait à Koufa là-bas où il y avait Ali radiallahu ta'ala anhu. Les gens ils croyaient que c'était des gens qui Ali il était associé à ces gens-là wala'oudou billah, alors que complètement non, jamais Ali s'est associé à des gens comme ça, des Khawarij, ceux qu'ils ont massacré, qu'ils ont tué et assassiné Uthman ibn Affan. Vous trouvez ça dans Minhaj al-Sunnah ibn Taymiyyah dans le tome 1 page 206 et ainsi que Ibn Khaldun le grand historien dans sa Muqaddima, dans la page 267. Donc mes frères, cette absence de talion, le fait que Ali n'a pas jugé les auteurs qu'ils ont du crime de Uthman, qu'ils étaient dans la ville où il était lui, ça va être mal interprété. Ça va être mal interprété. Talha ibn Zubayr. Ils vont rencontrer Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était allée pour faire le hajj. Eux-mêmes, Aïcha, radiyallahu anha, Talha et Zubayr, ils ne savaient pas les intentions de Ali. Pourquoi, yani, il ne juge pas, il n'attrape pas les coupables qu'ils ont tué Uthman. Ils ne comprenaient pas cela. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se dirigent, Talha et Zubayr et Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, la mère des croyantes, ils se dirigent de la Mecque vers l'Irak. Et en particulier à Bassora, la ville de Bassora. Pourquoi? Comme ils disent dans Fath al-Bari, ils pensaient appeler les gens à soutenir leurs demandes de l'application du talion. Il faut que les gens qu'ils ont tués, Uthman, on doit les exécuter et on doit s'occuper de leur cas. Vous trouvez ça dans Fath al-Bari, dans le tome 12, page 354. Ibn Hajar, hein, bien sûr, hein, al-Asqalani. Ali, radiyallahu ta'ala anhu, il a su que Aïcha, Zubayr, Talha, ils arrivaient, ils étaient en chemin. Il avait peur, hein, radiyallahu anhu, que ce soit une division, une fitna, un trouble pour cette communauté. Il mentionne ça aussi, Ibn Hajar, dans Fath al-Bari, tome 13, page 72. Kulayb ibn al-Jarmi. Kulayb ibn al-Jarmi, c'était un tabi'i. Comme le cite l'imam Bukhari, rahimahullah, et ainsi que l'imam al-Razi, c'était l'une des meilleures personnes de Koufa. Koufa, c'est en Irak. C'était quelqu'un de très fiable, wa huwa thiqa. Fait le hadith aussi. C'est quelqu'un de référence, c'est quelqu'un de confiance. C'est une personne de confiance dans le hadith, dans la chaîne de transmission. Il dit, هذا, Kulayb ibn al-Jarmi, rahimahullah, il raconte que les gens de Ali disaient, nous ne sommes pas sortis pour les combattre, car nous ne combattons que ceux qui nous combattent en premier. Mais on est sortis pour apaiser. Pourquoi? Parce que ils vont sortir, il y a le groupe de Aïcha et de Talha qui arrive. Donc, ils citent cette parole-là, les gens de Ali qui disaient cela. Nous sommes sortis, pas pour les combattre. Mais si nous combattons, on les combat. Ali radiallahu anhu, lui-même disait cela. Vous trouvez ça dans Fath al-Bari, tome 13, page 72. Et les deux groupes, mes frères, n'avaient aucune intention de se combattre les uns les autres. Abu Musa al-Ash'ari, vous connaissez tous ce compagnon. Abu Musa al-Ash'ari, il était à cette époque-là le gouverneur de Koufa. De Koufa, naam. Et Ali radiallahu anhu demande à Abu Musa al-Ash'ari de mobiliser les gens de Koufa pour que les effectifs ils sont nombreux. Mais il a refusé radiallahu ta'ala anhu. Et Ali, il a respecté son choix. On voit la justice de Ali, même si il a dit non, moi je mobilise pas les gens pour parce qu'il pensait que c'est des musulmans, on va combattre des musulmans. Non, je refuse. Et Ali, il a respecté son choix, il a pas puni, il a rien dit. Donc Ali radhiyallahu anhu, il décide d'envoyer à Koufa le fils, son fils Hassan et Ammar ibn Yasir. Vous trouvez ça dans Fath al-Bari, tome 13, page 73. Donc, malheureusement, pendant la nuit, donc il y avait le camp de Ali, le camp où il y avait Aïcha, Talha ibn Zubayr. Pendant cette nuit-là, des insurgés, des fauteurs de troubles, ceux qu'ils ont tués et qui sont sortis contre Uthman, ils étaient présents dans le camp de Ali. Ils attaquent le camp de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Comme il dit ça Ibn Taymiyyah dans Minhaj al-Sunnah, dans le tome 3, page 332, et ainsi que Fath al-Bari dans le tome 13. Et Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, elle pensait être attaquée par Ali. Elle pensait être attaquée par Ali. Le groupe de Aïcha, ils prennent les armes pour se défendre. Et Ali, radiyallahu anhu, il voit que le groupe de Aïcha s'est fait attaquer par surprise sans aucune raison. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, mes frères? Le groupe de Ali et de Aïcha, ils combattent les Khawarij, ils se retournent contre eux. Ils ont su que c'était ces gens-là. Ali, radiyallahu anhu, les a vus. Il a compris, et tout le monde a compris. Et Ali, radiyallahu anhu, il appelle son groupe à prendre les armes pour se défendre. Et ils ont combattu les Khawarij. Et c'est le début de la bataille du chameau. La bataille du chameau. Vous trouvez ça dans les livres d'histoire. Tapez la bataille du chameau dans Tarir. Vous allez le voir dans... Ça s'est passé Jumada 2. Et c'est Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, dans Fath al-Bari, tome 13, page 72, qui explique cela. Et cette bataille, la bataille du chameau, elle a duré une seule journée, mes frères. Et Ali, radiyallahu ta'ala anhu, il a emporté cette bataille. Et qu'est-ce qu'il dit, radiyallahu anhu? N'achevez aucun blessé. Chauf al-Adl. N'achevez aucun blessé. Ne tuez aucun fuyard. Et n'entrez dans aucune demeure. Fath al-Bari, tome 13. Vous trouvez ça aussi. Et le grand compagnon, mes frères, Talha, radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah l'agrée, il a été tué par une flèche dans cette bataille-là. Ibn Hajar qui explique ça dans le tome 12, page 354. Et Zubayr, mes frères, parce que Zubayr et Talha et Aïcha, ils sont sortis pour... Et aller voir Ali, pour savoir ses intentions-là. Lui, il a été tué. Il s'est fait tuer, mes frères, naam, par, juste avant la bataille, par une personne qui s'appelle Amr ibn Jurmuz. Et qui était dans le camp de Ali. Et il croyait bien faire. Ils apportent la nouvelle de Ali, radiyallahu anhu. Ils disent que Zubayr, il a été tué par une flèche. Il a été vraiment triste, Ali, radiyallahu anhu. C'était vraiment un compagnon. Zubayr, il est connu, mes frères. Mubashir bil Jannah. Et Ali, radiyallahu ta'ala anhu, il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait pas dit un jour, celui qui tuera le fils de Safiya, Zubayr, fait l'annonce de son entrée en enfer. Vous trouvez ça dans Fath al-Bari, tome 6, page 276. Et cette personne-là, là, celui qui a tué Zubayr avec la flèche, quand il a entendu cela, il y a deux versions. La première version, ils disent, il s'est suicidé. Quand il a entendu les paroles de Ali et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui va tuer Zubayr fait lui l'annonce de son entrée en enfer. Et d'autres, ils disent, la deuxième version, que cette personne-là, il a su, c'est la personne qui a tué Ali, radiyallahu ta'ala anhu, il était parmi les gens du Khawarij, et les Khawarij, comme vous savez tous, ce sont les gens de l'enfer. Qu'il ibn Nar, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Les Khawarij, pour les nouveaux qui comprennent pas, ce sont des gens qui rendent mécréants les musulmans, qui sortent contre les gouverneurs musulmans, qui appellent yani, aux attentats suicides et autres. Ça, c'est tout ça, c'est le madhab, c'est l'école des Khawarij. Ils ont existé à l'époque déjà. Ils existeront jusqu'à la fin des temps. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils viendront jusqu'à la fin des temps. Donc, mes frères, Zubayr, il a été tué par une flèche. Et bien sûr, il restait que Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et Ali, radiallahu anhu, il a traité de la meilleure des manières. Il a demandé à Muhammad ibn Abi Bakr, le frère de Aïcha, de la conduire jusqu'à Médine. Parce que c'était une femme, c'était la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cette époque-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est décédé. Il n'était pas parmi eux, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a décidé son frère, Muhammad ibn Abi Bakr, le frère de Aïcha, de la conduire jusqu'à Médine, qu'elle soit protégée. Donc voilà, yani, la divergence, les batailles qu'il y a eu, à peu près, entre Ali radiallahu anhu, la divergence qu'il y a eu avec Muawiyah, et ainsi de suite. Et Ali, comme vous savez tous, mes frères, avant de continuer, un jour, un matin, il est parti pour Salat al-Sobh, pour faire la prière du matin. Et une personne qui se nomme Abdurrahman ibn Muljam, Al-Jamahullah fi nari jahannam. Abdurrahman ibn Muljam, c'est lui qui a. Il est venu par derrière et il a poignardé Ali radiallahu ta'ala anhu, alors qu'il allait prier Salat al-Sobh. Et Ali, il est mort, na'am, avant d'avoir accompli la prière du matin, assassiné par ses khawarij, par Abdurrahman ibn Muljam, qui est connu dans l'histoire. À ce moment-là, Ali, il est mort, plus de calife. Omar, il a été assassiné par Abu Lu'lu, le Majusi, le Perse. Et Hadha Abu Lu'lu, il est vénéré en Iran actuellement. Ils font une fête pour lui, un jour férié, et ainsi de suite. C'est comme une star, c'est comme un batal, un shuja'. Celui-là qui a tué Omar. Parce que les chiites, pour eux, Omar ibn al-Khattab, c'est un kafir. Wala'udhu billah. Uthman, il a été assassiné par les Khawarij. Radiallahu anhu. Ali, radiallahu ta'ala anhu, il a été assassiné par les Khawarij. Vous voyez les troubles qu'il y a eu, mes frères? Allez, non. Et ces deux sectes-là, jusqu'à aujourd'hui, on en souffre. Les chiites et les khawarij. Les chiites qui sont les ennemis de la sunna, regarde ce qu'ils font dans le monde musulman. Ils s'allient aux kofars, en Afghanistan, en Irak, en Syrie et autres. Ils s'allient aux ennemis de l'islam contre les gens de la sunna. Et les khawarij qui en profitent du chaos, ils sèment le désordre encore plus. Eux, ils vont dans un pays et ils tuent, ils massacrent et tout, afin que tout le monde soit contre eux. Donc ces deux sectes-là, ils font des dégâts jusqu'à aujourd'hui. Les chiites et les khawarij. Donc qu'est-ce que vous suivez les frères, yani? C'est pas compliqué, barakallahu fikum. Je m'exprime bien ou mal, ou il y a quelque chose qui est mal compris, mal interprété. Qu'on me dit, inshallah, barakallahu fikum. Parce que l'histoire, c'est pas comme les cours de Aqidah où il y a un femme, tu as des règles et tout ça. Non, l'histoire, c'est on suit. On suit, il y a des noms, il y a des personnages qui vont être mentionnés, des endroits. Taïb. Donc, on continue. Ali décède. Qui prend la succession et font Shura et tout ça, et allez, les hommes de les élites de l'islam, des musulmans à l'époque, et un homme, Al-Hassan. Al-Hassan qui est le petit-fils de Ali. Le fils de Ali, enfin, qui est le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Ali radiallahu ta'ala anhu. Pour moi, c'est clair, mais les noms, je ne saurais m'en rappeler dans deux jours. Note-les les noms alors. Imran, note-les les noms. En étant les noms, même tu mets celui-là gentil, celui-là pas trop gentil. Là, note ces noms-là. Donc, on va mentionner là, actuellement, à peu près 4-5 noms. Al-Hassan, Al-Hussein, qui sont des frères, le fils de Ali, Yazid, qui est le calife, Ubaydallah ibn Ziyad, c'est l'ennemi de Al-Hussein. Mauvaise personne. Une page noire dans l'histoire. Al-Shamr ibn Jawshan, c'était un courageux et il a conseillé Hussein en bien. de ces gens-là, ils t'ont trahi. El-Hur ibn Ziyad, c'est celui-là qui a été le complot, il a fait le complot pour tuer Al-Hussein. Donc rappelez-vous de ces cinq noms. Al-Hassan Al-Hussein, Yazid le calife, Ubaydallah ibn Ziyad, le gouverneur de Koufa, Shamr ibn Jawshan, Naam, c'est celui-là qui a quelqu'un de courageux, et Al-Hur ibn Ziyad. Al-Hur ibn Ziyad, c'est celui-là, c'est un lâche, c'est un traître, Naam, et on va le mentionner ce nom-là. Donc c'est ces cinq noms-là, retenez-les. Ils vont revenir là dans ce qu'on va dire. Donc on s'est arrêté à Ali. Donc il succède, qui le succède? Al-Hassan. Al-Hassan qui est son petit-fils. Hassan, il arrive dans quel moment, mes frères? Il arrive à un moment où il y a le trouble, le chaos. Uthman qui est mort, assassiné par les Khawarij, et que les auteurs n'ont pas été retrouvés. Ali, radiallahu anhu, il a été assassiné à Koufa, en Irak. Ainsi de suite. Le chaos, le trouble total. Muawiya, radiallahu ta'ala anhu, qui est au poste au Sham, comme gouverneur, en tant que gouverneur. Son père, radiallahu anhu, il venait juste de mourir. C'était vraiment difficile pour Al-Hassan. Wallahi, mes frères, de savoir que ton père, il est mort. Que beaucoup de gens sont morts. C'est vraiment dur. Comment tu vas diriger cet état-là? Donc Al-Hassan, mes frères, il a gardé, il est resté au pouvoir pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Et c'est là que l'histoire va, Osmo, il va se désister, comme on va dire en français, on désiste, Naam, et il laisse le poste de calife à Muawiya, radiyallahu ta'ala anhu, le fils d'Abi Sofiane. Et Muawiya, on avait dit que c'est quelqu'un qui a, on a parlé d'hier de lui, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des invocations, celui-là qui c'était le scribe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il prend le pouvoir, Muawiya, et bien sûr, les élites, al-bay'a ahl al-hal wal-aqd, et ils l'ont désigné comme lui, le calife, Muawiya. Et tous, ils ont accepté cela, tous. Ibn Omar, Ibn Abbas, tous ont accepté le calife de Muawiya. Donc Muawiya, il dirige les musulmans. Et Al-Hassan, il met une condition. Il met que si tu meurs ou autre, tu laisses les gens de l'élite choisir leur gouverneur. Tu laisses les gens de l'élite choisir leur gouverneur. Donc il y avait cette condition-là. Muawiya, il a dirigé. Il a fait le futuhat, on a parlé de lui hier. On va passer Muawiya. Muawiya, il décède. Yazid, son fils le succède. Son fils, Yazid, le succède. C'est là que ça devient, yani, les Omeyyades, l'empire des Omeyyades. Parce que là, Muawiya, après il y avait son fils qui l'ont succédé. Voilà, qui n'a pas mis son fils, yani, de force et tout ça. Là, c'est Ibn Omar aussi, ont accepté et l'ont fait bay'a en plus. Et Ibn Abbas. Et ils disent même qu'il y a plus de 60 compagnons qui lui ont fait le bay'a, le pacte d'allégeance à Yazid. Yazid qui est le fils de Muawiya. C'est là que ça devient de père en fils, yani, après. Mais à la base, ils ont accepté. Donc il n'a pas pris le pouvoir par la force, ou son père il a imposé, radiallahu anhu, son fils par la force. Non, c'est faux ça. Ça c'est les chiites qui disent ça. Les sunnites ils disent pas cela. Les gens de la sunna, ils disent non. Les sahaba, comme Ibn Omar, Ibn Abbas, ils ont accepté. Ils ont fait bay'a à Yazid. Ainsi que 60 compagnons, mes frères. Et comme il dit Al-Maqdisi, khilafatuhu sahiha. Son calife, il est authentique. Mais Yazid, mes frères, le fils de Muawiya, on va pas dire que c'est quelqu'un de bon, et on va pas dire que c'est quelqu'un de mauvais. Parce que dans ce qu'il a fait, il y a des choses qui sont bonnes, mes frères, et des choses qui sont très très mauvaises. Il était vraiment, il y avait des choses qui sont très mauvaises. Comme il dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah, la nuhibbu wa la nubghidhu. Ni on l'aime, ni on le déteste. On reste neutre. Il a fait des choses abominables, comme il a fait des bonnes choses. Donc à ce moment-là, Al-Hassan Yani, là, c'est ainsi de suite, Yazid devient le successeur. Mais par contre, le Hussein, le fils de Ali et le frère de Hassan, il refuse de faire la bay'a à Yazid, le fils de Muawiyah. Parce qu'ils disent, ça rentre pas dans le traité qu'on a conclu avec ton père, qui est Muawiyah, de désigner, de laisser les gens de l'élite choisir les gens, choisir le calife. Lui, vous voyez ça comme ça, c'était un traité qu'on avait mis. Donc, Yazid, radiyallahu ta'ala, ou rahimahullah, et Hussein, il était à la Mecque à ce moment-là. Parti à la Mecque, aynam. Et le trouble, il a commencé là aussi, un autre trouble. C'est que les gens de l'Irak, ils ont prêté allégeance à Al-Hussein. Ils lui ont prêté allégeance. Comme quoi, viens en Irak et on va t'obéir, on va te nommer calife. Donc Al-Hussein, il se met en route vers cette ville-là. Pourquoi? Parce qu'il reçoit beaucoup de bay'a. Beaucoup de livres des gens de Koufa en lui disant que viens, ils disent même plus de 70 000 mes frères, énormément de livres, et de bay'a, comme quoi, viens Hussein en Irak et on te fait le pacte d'allégeance, c'est toi qui mérites le pouvoir, pas Yazid, car tu es mieux que Yazid, le fils de Muawiyah, et tu es même le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le fils de Ali radiyallahu ta'ala anhu, donc c'est toi qui mérites le pouvoir. Et il reçoit tout cela, mes frères. Il reçoit toute cette bay'a à Mecca qui venait, ces bay'a-là d'Irak. Il envoyait son frère pour voir cela. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il envoyait son frère pour voir si c'est authentique. Ce qu'ils disent, pour voir la température, comme on dit. Son frère, ils l'ont attrapé, ils l'ont assassiné, mes frères. Ils l'ont tué, son frère. Qu'est-ce qu'il fait Hussein, il prend la route avec sa famille, ses petits-fils, ses sœurs, ses enfants, et il se dirige vers l'Irak. Il prend la direction de l'Irak, ils étaient 72. Ils étaient 72 personnes. Il a rencontré un poète dans son chemin. Abou Fahl ici, qui rapporte ça. Il dit, oh Hussein, leur cœur, les gens d'Irak, sont avec toi, mais leurs épées sont contre toi. Leur cœur, ils sont avec toi, mais leur cœur et leurs épées, ils sont contre toi, ils sont sortis de leur fourreau. Subhanallah. C'est comme un avertissement. Hussein, ne va pas là-bas. Leur cœur, peut-être, ils sont avec toi, mais leurs épées, ils sont contre toi. Ils risquent de te tuer. Donc, il part avec ses partisans à Koufa, sa famille. Et c'est les gens de Koufa qui l'ont appelé à l'aide. Regardez mes frères, suivez bien. Qui l'ont appelé à l'aide et lui avaient promis obéissance. Ibn Ziyad, voilà une personne, qui intercepte cette troupe. Et cette troupe-là, elle était à Karbala. Karbala, vous connaissez tous, il y a à peu près, c'est à côté de Koufa. Et exige que Hussein, il fait la bay'a à Yazid, fais le pacte d'allégeance à Yazid, et c'est bon, on arrête. Et c'est là qu'une bataille s'engage à Karbala, en 61 de l'Hégire. Ils étaient à peu près 15 000, mes frères. 15 000. Hussein, ils étaient 72. Donc la bataille, elle était déjà perdue d'avance. Pourquoi? Parce que Adam, il contrôlait tous les accès de l'eau. C'était dans le désert. Un siège pendant 10 jours sous le soleil de plomb. Deux jours, mes frères, de combat, dans une chaleur intense, sans eau. Imaginez-vous. Et avant d'enclencher cette bataille, mes frères, Ibn Omar avait conseillé Hussein. Il lui a dit, « Taqillah, wa la tufarriq jama'at al-muslimin. » Ibn Omar, qui va rencontrer Hussein, il dit, « Ya Hussein, crains Allah Azza wa Jal, ne divise pas la communauté musulmane. Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, qui dit à Al-Hussein, Ibn al-Am, au fils de mon oncle, je patiente, mais j'ai peur, et je me force à patienter, et j'ai peur pour toi et ta famille, le fait que tu vas aller en Irak. Car c'est un peuple, ghadr, fihi ghadr, il y a de la lâcheté, c'est des traîtres. Ne t'approche pas d'eux. Ne va pas à leur rencontre. Et Al-Hussein qui répond, par Allah, je sais que tu es un conseiller, tu conseilles de bon cœur. قال ابن عباس يا ابن العم لا تسري بأولادك ne va pas avec tes femmes avec tes enfants فوالله إني خائف أن تقتل j'ai peur qu'on te tue comme ils ont tué Uthman et ses femmes et ses enfants alors qu'il les regardait. ابن زبير aussi lui dit à Hussein أين تذهب il dit où tu vas Hussein إلى قوم قتلوا أبائك وطعنوا أخاك. Vas-tu dans un peuple qui ont tué ton père, Ali, et qui ont tué ton frère, le frère qu'il a envoyé pour voir la température. Naam, ibadallah. Donc, avant de le ma'raka, yani, qui se passe, la mort de l'Hussein, Omar ibn Waqas, ils ont dit à l'Hussein, tu as trois choses à faire. C'est le gouverneur Ibn Ziyad, il lui a dit, il y a trois choses que je te propose. Soit, tu repars d'où tu es venu. Soit, tu vas voir Yazid. Soit je vais voir Yazid au Sham. Ça c'est Hussein, Afwan. C'est le Hussein qui dit, soit je repars d'où je suis venu avant de combattre. Soit je vais voir Yazid au Sham et je vais lui faire bay'a. Et là on voit que le Hussein n'est pas sorti contre Ousmo, contre le calife. Parce qu'Ibn Qayyim mentionne ça, Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir dans le Bidaya et d'autres. Ils disent qu'ils voulaient aller voir Yazid pour lui faire le bay'a au Sham parce qu'il a su à ce moment-là qu'ils l'ont trahi. Ou soit je vais faire le djihad et yani dans les conquêtes et autres. Il envoie la condition à Ubaydallah ibn Ziyad, hada ce khabith. Mais par contre, la condition-là, ils l'ont pas envoyé à Yazid, le grand calife, mes frères, qui était à Damas, en Syrie. Non, à Koufa, ils ont envoyé juste le gouverneur qui était ibn Ziyad. Ubaydallah ibn Ziyad, il lui dit qu'il choisisse une de ces trois. Dites à Hussein qu'il choisisse une de ces trois. Salut de choisir. Il y avait, avec Ubaydallah ibn Ziyad, une personne qui s'appelle Al-Shamru ibn al-Jawshan. C'est un khabith. C'est un quelqu'un qui est mauvais. Et ces gens qui sont autour de Ubayd, Allah, il lui dit, c'est étonnant. Ajib. C'est lui qui met les conditions, Al-Hussein. Alors que c'est toi le émir, c'est toi le gouverneur d'Irak. Regarde comment il lui insuffle. Il lui dit, t'es un pouvoir. Comment Al-Hussein, c'est lui qui impose ses conditions. Normalement, c'est toi qui es en état de force. C'est toi qui impose tes conditions. C'est toi qui impose tes conditions. Il lui a dit, Sadakt, tu as dit vrai. Regardez quel mauvais conseiller. Regardez les conseillers, comment ils sont très mauvais. Regarde Wazir Firaoun, le conseiller des Firaoun. Lui et l'autre. Les faits qu'il y a des mauvais conseillers autour des gouverneurs, c'est A'oudou Billah. C'est une grosse épreuve, mes frères. Donc, il envoie un message à Omar ibn Sa'd. Il lui dit, ramène-moi Al-Hussein. Et c'est moi qui va lui dire où il va aller. Et c'est là que Omar ibn Sa'd, qui est quelqu'un de pieux, il a dit, par Allah, je ne le ferai pas. Moi, je ne ramène pas le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour vous. Je ne l'amène pas. C'est pas possible. Et le Shamr ibn Jawshan, ce khabith-là, il dit quoi? Il dit à Omar ibn Sa'd, par Allah, si je te laisserai, si tu obéis pas, je vais t'enlever de ta fonction. Si tu obéis pas et tu ramènes pas le Hussein, je vais t'enlever de ta fonction. Et Omar ibn Sa'd qui lui dit quoi? Wallah, je ne te laisserai pas faire. Et je ne te laisserai pas m'enlever de ma place. Puis, c'est des autres personnes qui ont été envoyées pour attraper le Hussein. Radiallahu ta'ala anhu, le petit-fils du prophète. Et le Hussein lui dit à Ubayd, je suis le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais vous voulez me capturer? Et vous voulez me capturer? Laissez-moi retourner. Laissez-moi retourner. Et le Hussein, il se retourne vers eux. Il lui dit, toi là, c'est pas toi qui m'as envoyé une lettre, une bay'a, où tu m'as fait l'allégeance. Toi là-bas, c'est pas toi qui m'as fait bay'a. Ah, où il y a tes papiers, ah, où vos manuscrits, ah, où ils sont là, tout est écrit, vos prénoms, vos noms. Qu'est-ce qu'il répondit? Qad taghayyara al-amr. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Wal'a'udhu billah. Radaru bil Hussein. Ils l'ont trahi. Ils l'ont trahi. Une trahison de Hussein. Et c'était qui? C'est les opposants de Ali, ces gens-là, qui l'ont trahi. Ils ont trahi son père et c'était des gens qui l'ont trahi lui aussi. C'est des lâches et des traîtres, wal'a'udhu billah. Et le fait de dire que le Hussein voulait mourir et que vous voulez montrer la corruption de Yazid, ceci était faux. Hussein ne voulait pas mourir et ne voulait pas montrer la corruption de Yazid. Mais Hussein, il est allé accomplir son rôle, mes frères, il allait répondre à des gens qui lui ont fait allégeance. À la fin, ils lui font allégeance et le laissent, il abandonne. Ce sont des lâches. En sachant cela, il a demandé quoi? De retourner à Hussein. En sachant qu'ils l'ont trahi, mes frères, il a dit à Hussein, non, moi je retourne, c'est bon. Je retourne. On trouve cela, mes frères, dans les livres, hatta les livres de gens de la Sunna, et hatta les livres de chiites, ils mentionnent cela. Pourquoi? Parce que c'est à l'encontre de Hussein. Le Hussein, il le vénère, il adore, wala'oudou billah, malheureusement. Donc, combien de minutes là? 41 minutes. On arrête là, les frères, on continue un peu, Inch'Allah. Ça fait pas trop long. Et le ramadan, alhamdoulilah, c'est bien les rappels sur le ramadan. Les gens, ils connaissent même pas leur histoire. Les gens, yani, ils connaissent pas leur histoire. Ramadan, on va faire quoi, un rappel? On a fait sur l'entrée du ramadan. On a fait sur yani, les annulations du ramadan, les choses qui annulent le ramadan. Alhamdoulilah, les gens, le siyam, kada, kada. Il n'y a pas yani, des choses nouvelles dans le ramadan. Alhamdoulilah, les gens, ils connaissent les règles du ramadan et tout ça. Et après, on fera sur les trades, peut-être avant, yani, les 10 derniers jours. Ça, oui. Mais en tant que nous, qu'on trouve dans les Ousmou, dans les sites des frères salafis, ils font pas d'histoire. Et comme m'a dit Cheikh Abdelhad, il m'a dit parce qu'ils sont ignorants, ils connaissent pas. Ils ont pas envie de se casser la tête. Parce que ça demande beaucoup de recherche, mes frères. Wallah, et ça demande beaucoup de recherche. Vous croyez que c'est simple comme ça? Parce qu'il y a beaucoup de faux dedans dans l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui sont inventées, donc faut trier. Faut savoir le vrai du faux. Du faux. Ça demande des détails précis. Donc, barakallahu fi, comme c'est pour ça, yani, le ramadan, les choses, tout ça. Ouais, faut parler d'aqida, faut parler de ça. Bien sûr, faut parler d'aqida. On parle toute l'année de l'aqida. Mais un qism, des fois, faut parler d'histoire. Pourquoi c'est toujours les frères musulmans, les gens des sectes? Les Ahbash, les frères musulmans, les chiites, eux par contre dans l'histoire, c'est les premiers. Tu les trouves dans leurs vidéos, des milliers de vues et tout. Mais quand ils racontent l'histoire, ils racontent du faux, des choses, ils parlent sur les compagnons. C'est pas clarifié leur truc, il n'est pas clarifié. On continue encore un peu et on arrêtera là. Donc on disait quoi? Hussein, il a été trahi. Hussein, il a été trahi. Il est parti accomplir son rôle. Et il disait Hussein à un de ses hommes, si je ne t'ai pas contredit, si j'ai pas contredit votre demande, je n'ai pas contredit votre demande, il dit, vous m'avez fait la bay'a, je ne serais pas là, là, dans le désert. J'aurais pas quitté Mecca. Pourquoi je suis venu en Irak? C'est pas pour vous combattre. C'est pas pour faire le fitna. C'est pas pour s'emparer du trône. Vous m'avez fait bay'a, il a dit. Vous m'avez fait acte d'allégeance, soumission, donc, je me sens obligatoire de venir avant. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils l'ont lâché, ils l'ont délaissé. Ils leur disaient leur nom, comme ça, ils leur mettraient leur feuillet. Subhanallah. Quelle lâcheté, mes frères, subhanallah. Imaginez-vous ça. Il leur a montré leurs feuilles avec leur nom. Il leur a dit, tu m'as pas fait Ibaïa à toi. Toi, tu m'as pas fait Ibaïa. Les 70, 10 000 feuilles, il a ramené avec lui. Tous ces feuillets. Comme ça, il a les preuves devant lui. On va pas lui dire, t'as menti. Tiens, c'est vous qui avez envoyé ça. Vous m'avez envoyé tout ça. Donc, je suis venu, vous m'avez trahi. Donc, il a dit, laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Je vais pas en Irak. Je vais pas en Irak. Donc, ils ont voulu, il a voulu qu'il retourne. Mais ils lui ont pas laissé. Ils lui ont pas laissé. Et quand Ubaydallah ibn Ziyad a entendu que Hussein, il approche ainsi que son armée, son général Al-Hur, Al-Hur ibn Yazid, celui-là c'est quelqu'un de honnête, Al-Hur ibn Yazid c'est un général. Il voit Hussein, il le rencontre dans un endroit qui s'appelle Al-Qadisiyya, en Irak, Al-Qadisiyya. Il a été surpris que les gens l'ont trahi. Naam. Une lâcheté d'un peuple, wala'oudhu billah. Ils l'ont trahi, mes frères. Ils ont trahi son père, ils ont trahi son frère. Al-Hur ibn Yazid, il dit à Hussein, où tu vas, Hussein? Où tu vas comme ça? Il répondit, je vais à Koufa. Ils m'ont fait le bay'a. Il a dit, non, ne va pas, retourne, retourne. Et Hussein lui montre la bay'a, lui montre les bay'a. Il lui dit, regarde, ils sont là. Pacte d'allégeance de tout le monde. Et il lui dit, ils t'ont trahi, Radarouk, Radarouk. Ils t'ont trahi, ils t'ont trahi. Il voulait retourner, Al-Hussein. Il voulait retourner à la Mecque, il voulait. Mais il y avait les enfants, Al-Muslim ibn al-Aqil. Al-Muslim ibn al-Aqil, c'est son frère qui l'avait envoyé en Irak et il s'est fait tuer et assassiner pour voir la température, pour voir est-ce que c'est vrai, c'est le bay'a là. Il y avait les enfants de Al-Muslim ibn al-Aqil, c'est-à-dire les enfants de son frère, ses neveux, ils étaient avec lui. Il lui a dit non, on retourne pas à Mecca, on va prendre l'héritage de notre père qui a été tué. Hussein leur dit, voulez-vous qu'on retourne pas à Mecque et on va en Irak? Ils leur dit, non, mais on retourne pas à Mecque et on va en Irak. Donc on avance vers Koufa. Ils avancent vers Koufa. Et Al-Hur ibn Yazid, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, retourne mon frère, retourne Hussein. Ne viens pas à Koufa. Car j'ai peur d'être éprouvé par Allah de ton sang. Retourne, il lui dit. Et Hussein lui dit, non. Que ta mère te perde. Ça, c'est une expression en arabe. Thaqulat ka umuk, yani que ta mère te perde. C'est pas une insulte, hein, les frères. Hein. C'est les arabes, ils avaient des utilisations, yani, des mots. Ils disent en colère, mais c'est pas une insulte. Al-Hur ibn Ziyad, quand il a entendu cela, Al-Hur ibn Ziyad, c'est quelqu'un de tchouja'a, hein, c'est quelqu'un de très fort, courageux, honnête. Quand il a entendu cela, parce qu'il voulait pas, yani, que ça arrive à là. Il était obligé d'obéir, il voulait pas que Hussein, il lui arrive quoi que ce soit. Il a dit, retourne, Hussein, retourne. Il a dit, je peux rien faire, Hussein, quand tu me dis ça. Car ta mère, c'est l'une des mères, Umm al-Mu'minin, la mère des croyantes. Et toi, tu es le petit-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est quelqu'un d'autre qui m'aurait dit cela, lui et sa mère, je les tue. Yazid, mes frères, le calife, le grand calife Yazid, il a envoyé un poème à Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Ibn Abbas, qui est le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est connu dans la science du tafsir, du Coran, tout ça. À cette époque-là, il était âgé, très âgé, il était très respecté. Et dans ce poème, on va pas le lire long, mais je vous cite juste un passage. Il envoie un poème à Ibn Abbas pour contraindre Hussein de pas venir en Irak. De ne pas venir. Il lui dit quoi dans ce poème? La taqta' al-rahim. Bayni wa bayna Hussein, Allah wa al-rahim. Bayna wa bayna Hussein, Allah wa al-rahim. Il lui dit Yazid, dans la lettre à Ibn Abbas qui a été envoyé à Hussein, ne rompe pas le lien, ne rompe pas le lien de parenté. Car entre moi, entre toi et Allah, il y a le rahim, il y a le lien de parenté. C'est des cousins lointains. Le lien de parenté, mes frères, c'est quoi entre Yazid et Al-Hussein? C'est Abd al-Manaf. Al-Hussein ibn Ali, c'est qui? C'est Ibn Abi Talib, Ibn al-Muttalib, Ibn Hashim, Ibn Hashim. Et Yazid, le calife, c'est Ibn Muawiyah, le fils de Muawiyah, Ibn Abi Sufyan, le fils d'Abu Sufyan, le fils de Harb, le fils de Umayya, et le fils de Abi Shams, Abd al-Shams, Afwan. Et Abd al-Shams et Hashem, ce sont des jumeaux. Donc, c'est des cousins lointains. La femme de Yazid, mes frères, et la tante de Yazid, c'était, ils avaient un lien de parenté avec Al-Hussein. Donc, c'était des cousins. Yazid, il a jamais voulu tuer Al-Hussein. Il a jamais fait ce choix-là. On le pensait même. Il continue à marcher jusqu'à qu'ils arrivent, comme on a dit, dans la ville de Karbala. Il lui dit, comment s'appelle cette ville-là? Et le Hussein lui dit, Karbun Wabala. Subhanallah. Karbala, ça veut dire Karbun Wabala. Épreuve et malheur. Et certes, c'est une ville où il y a l'épreuve et les malheurs. Et hâte à mes frères, cette ville-là, il y a un hadith, yani, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a parlé de cette ville-là. Ce hadith, il est rapporté par Ahmed. Akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam biqatli al-Hussein. Il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que le Hussein, il va mourir assassiné. An Aisha, ou Salama, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, li ahadahuma, laqad dakhala alayya al-bayt malakun, lam yadkhul alayya qablaha, faqala la inni ibnaka, hada Hussein, maqtoul, wa in shi'ta, أرأيتك من تربة الأرض التي يقتل بها؟ قال فأخرج تربة حمراء. صححه الألباني رحمه الله تعالى. Il a été authentifié par Cheikh Al-Albani, ce hadith-là. Donc, un hadith de Aïcha ou Salama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un jour un ange, yani, malakun, rentrer dans sa demeure. Il a jamais vu cet ange-là. Lam yutala qabla, il est jamais rentré, il a jamais vu. Il lui dit, ton petit-fils, le Hussein, il sera tué, maqtoul. Pourquoi ça, c'est le monde invisible? Le prophète ne connaît pas le monde invisible, sauf si on l'a informé. Donc là, il vient d'être informé par qui? Par un melek, par un ange. Si tu veux, il a dit, je te montre le sable, ou l'endroit où il va être, tué. Et il lui a sorti du sable rouge. Sable rouge, yani, c'était cette ville, yani. Karbala. Karbala, comme on dit en français, yani. Karbala. Karbun, en arabe, c'est Karbun Wabala. Il a dit, c'est la ville Karbun Wabala, il avait entendu parler de cette ville. Même Ali, radiallahu anhu, il disait Karbun Wabala, une ville de malheur et d'épreuve. Donc, ils étaient 5000 soldats, mes frères. Et Hussein, ils étaient juste 70, comme on avait dit à peu près. Ils n'ont pas accepté la condition de Hussein. Et le mujrim qui était avec Ubaydallah, Naam, Ibn Ziyad, qui le conseille de non, il faut qu'il vienne attacher, menotter, ou attacher Yani, et que c'est toi, tu dois l'envoyer à droite et à gauche, là, c'est comme une humiliation pour le Hussein. Et c'est là qu'un ma'raka, la bataille, elle commence, et il commence à tuer, et il commence à massacrer. Wallah al-musta'an. Tous les compagnons de l'Hussein, ils ont été tués. Tous les compagnons de l'Hussein, ils ont été tués, mes frères. Sauf Ali, Zayn al-Abidin, ainsi que les femmes et la sœur, et sa sœur Zaynab, et la fille de Ali. Ils ont décapité la tête de l'Hussein. Ils l'ont décapité, mes frères, pour amener la tête au calife. Le cadavre de l'Hussein, mes frères, il a été jeté dans le désert, dans le sable chaud, sans linceul, mes frères, sans rien. Et la tête, elle a été envoyée à Damas. لم يثبت أن يزيد أمر بقتله ولا رضي به كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. لم يأمر بقتل الحسين, لم يأمر بقتل الحسين ولا أظهر الفرح بقتله. Ibn Taymiyyah, il cite, il dit que Yazid n'a jamais voulu, le grand calife n'a jamais voulu tuer Al-Hussein. Il n'a pas accepté qu'on le tue. Il n'a pas montré de la joie quand il est mort. Ceux qui veulent le tuer, c'est les gens qui étaient gouverneurs de Koufa et qui étaient autour du gouverneur de Koufa. Wala'ana Yazid, le calife, il a maudit Ibn Ziyad. Ala qatli. Il a maudit Ibn Ziyad. Le fait qu'il a tué. Le fait qu'il a tué. Ousmo, Hussein, radiallahu ta'ala, anhu. La mort de Othman et de Hussein, mes frères, sont les plus grands troubles qu'ils ont connus notre communauté. On en souffre, comme j'ai dit tout à l'heure, on en souffre jusqu'à aujourd'hui. Les Khawarij et les Rafidi. Combien? 54. Taïb, on termine ça et on arrête, Inch'Allah. Donc, Hussein, il a assassiné, mes frères. Injustement, mazlouman. Ils l'ont trahi. Ils l'ont abandonné, wa la'oudhu billah. Et c'est l'armée qui est sortie de Koufa, d'Irak, qui prétendait faire acte d'allégeance à Hussein qui l'ont tué. Et Ali, radiallahu anhu, il a parlé des gens de Koufa. Il a vécu avec eux, Ali, 4 ans. Jusqu'à ce qu'il se fasse tuer lui-même. Comme vous savez tous, Ali s'est fait tuer par ces gens-là. Il a vécu avec ces gens-là. Et il dit, Ali, radiallahu anhu, que vous êtes pas digne de confiance, il disait à ces gens-là. Vous n'êtes pas digne de confiance dans les épreuves. Vous êtes aveuglés. Que périssent vos mains. Vous ressemblez à des chamelles, il dit, qui a perdu son chemin. Toutefois qu'ils s'unissent, ils se divisent sous un autre angle. Vous trouvez cette parole-là dans des ouvrages de Al-Sunna. Et Ali ibn al-Hussein, Zain al-Abidin, le fils de Ali, qui était très pieux, mes frères, Zain al-Abidin, quand il est entré à Koufa, il leur dit, « Oh, vous les gens, je vous prends témoin devant Allah Azza wa Jal. Savez-vous que c'est vous qui avez écrit à mon père et vous l'avez fait allégeance, vous lui avez promis la sécurité et vous l'avez tué et vous l'avez trahi. Qu'Allah vous fasse périr ainsi ce que vous avez fait. Il dit comment, avec quel œil vous allez oser regarder le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demain? Avez-vous un visage pour le regarder? Subhanallah. Pourquoi il dit ça? Parce qu'ils ont tué son petit-fils, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ali ibn al-Hussein, كذلك, son petit-fils, Zain al-Abidin, il a vu un peuple pleurer la mort de l'Hussein. Il leur dit, vous pleurez pour nous? Qui a tué ma famille? Il dit, c'est vous qui les avez tués. Et maintenant, vous les pleurez? Subhanallah. Vous les avez tués, vous les pleurez? Comme ça, il s'adresse à eux, à Ali ibn al-Hussein. Umm Kulthum, la fille de Ali, parce qu'elle est restée vivante, ils l'ont pas tuée. La sœur de Hussein, radiallahu anhu, qui leur dit, ô habitants de Koufa, que votre vie soit noire. Pourquoi vous avez trahi le Hussein? Et en plus, vous l'avez tué. Et Zainab, fille de Ali, mes frères, sœur de Hussein, leur dit, quand elle entendit les pleurs des femmes et les cris des hommes, elle dit, vous tuez vos hommes et vos femmes, pleure. Allah sera celui qui jugera entre nous. Elle a entendu des gens pleurer, hein. Les femmes qui pleurent. Et les cris des hommes, et les hommes hurlaient de la mort de Hussein. Il dit, vous tuez vos hommes et vos femmes pleurent. Allah sera celui qui jugera entre nous. Naam ibad Allah. Hussein, hein, il avait un an de différence entre le Hassan. Il a été mort le jour de Ashura. Le jour de Ashura, c'est le jour où on doit jeûner. C'est le jour où il a 10e jour Muharram, le 10 de Muharram, où c'est recommandé de jeûner un jour avant ou un jour après. Car les juifs, ce jour-là, ils le jeûnent parce qu'Allah Azzawajal les a sauvés du châtiment de Pharaon. Il est mort ce jour-là. C'est pour ça que le chiite, il se flagelle. Vous savez, ils mettent des épées, là, vous voyez, ils prennent une épée, ils coupent leur tête, ils se flagellent le dos, ils se mettent en sang, ils montrent à quatre pattes, ils disent, oh le Hussein, oh le Fatima. En fait, ils pleurent le martyr de le Hussein. Ça, c'est battle, c'est faux. C'est eux-mêmes, c'est leur descendance qui les ont tués. Et aujourd'hui, ils les pleurent. Et ils exagèrent sur le Hussein, ils adorent aujourd'hui, ils le vénèrent. Et à cause de leur vénération, qu'est-ce qu'ils font? Ils insultent les Sahaba. Ils insultent, yani, Muawiya, Yazid, ils insultent, yani. Ils rendent kafr Aisha, radiallahu anha. Zubay, et ainsi de suite. Ils rendent mécréant tout cela. Mais les mensonges, mes frères, et on termine avec ça. Donc ça fait 1h58. Des chiites, quand Hussein est mort. Ibn Kathir, dans le Bidaya, dans le tome 6, page 260, il dit, parmi les mensonges des chiites, ils disent que quand Hussein est mort, il y a eu une éclipse. Un kousouf. Kousouf, une éclipse solaire. Le kousouf, c'est lunaire. Et solaire, c'est le Koussouf. Une éclipse solaire, ça c'est faux. Il n'y a pas eu d'éclipse quand il est mort, Al-Hussein. Ils exagèrent en fait. Le ciel, il a changé de couleur. Et en dessous de chaque caillou qu'on enlève, il y a du sang. Même le sang, il y a les cailloux, ils pleurent, Al-Hussein. Et d'autres ont dit, surtout les pierres. Chaque pierre qu'ils ont enlevée, il y avait du sang. Le ciel, il a pleuré le sang. Le ciel, il a pleuré le sang. Les nuages, le ciel, il s'est dégradé, il est devenu rouge. Non, ça c'est faux. Mes frères, les sahabas comme Omar, Othman, Ali, le prophète, il est mort, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Ça, c'est des histoires qui sont fausses, mes frères.